l'instrumentation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut dire que la musique sert à plein de choses, à danser, à s'égayer, à se consoler, à s'inspirer, à se mettre en mouvement, mais aussi à trouver un bon dialogue entre le corps et l'esprit. Une bonne musique peut parfaitement composer notre alimentation. Quand on a une faim qui est dévorante ou une faim trop sucrée, on peut mettre une musique peut-être un peu plus acide. Et quand on a une faim qui est anorexique, on peut mettre une musique plus tonique. Et quand on a une humeur morose et qu'on n'a pas faim, on peut marcher et on peut écouter de la musique en marchant. Donc vous voyez bien que l'alimentation et la musique composent un beau duo. Donc vive la musique et vive la nourriture. Bien, bien. Ah, merci, c'est chronique, gastro-sophique, là, ça donne envie de manger. On va aller tout de suite manger. Bon, on va continuer. Là il y a le chroniqueur de sport qui vient d'arriver à côté de moi. Attends, Jason, tu prends déjà ton... Tiens. Il y a notre chroniqueur du sport qui vient de loin. Il a pris le... Attends. J'ai pris l'avion, je suis allé à Barcelone. Ah, tu vas nous rapporter. Vas-y, Jason. Une petite musique. Un match entre Barcelone et Osasuna au stade olympique Luis Companys. Match reporté suite à un drame... du côté Barça. À 21h, demain à 21h, match reporté. 75% de probabilité de victoire contre Osasuna. Et dimanche, il joue contre Girona. Il sera en 6 points d'avance devant le Real. Et le 2 avril, mercredi prochain, demi-finale retour entre Atlético Madrid et Barcelone. 4 partout à l'aller. C'est quoi la probabilité? C'est quoi tu penses? C'est quoi ton pronostic? Je sais pas, je vais le voir en le regardant. J'ai dit Barcelone va gagner. Et quart de finale de la Ligue des Champions pour Barcelone, ils affrontent Dortmund à nouveau. La dernière fois, c'était 3-2 en saison régulière, grâce à 2 buts de Ferran Torres. Mercredi prochain à 21h. Suivi de Barcelone-Betis avant le quart de finale, samedi 5 avril. C'est tout. Merci Jason. Merci Jason, c'était notre chroniqueur de sport. Mais tu étais où la semaine dernière là? Hein? Tu étais où là? Tu vas aller voir quel match John. Il s'appelle John d'ailleurs, hein. C'est pas Jason ici. Hein. Ah, c'est John. Bah, j'étais parti au stade métropolitano de Atlético de Madrid. Et Barcelone, ils ont gagné à l'extérieur 4-2. Ouais. Tu étais dans les tribunes? Non. Ok, ah d'accord. La prochaine, je pense. Ouais. Okay. Tu as rencontré quelqu'un? S'ils gagnent le quart de finale, ils vont affronter soit le Bayern, soit l'Inter en demi-finale de la Ligue des Champions. Tu penses que tu vas avoir des places pour nous tous, là? Non. Okay. D'accord. Bon, merci Jason pour cette chronique. C'est Dune, c'est quoi le programme? Je pense que... attends, j'ai oublié votre prénom, madame. Ça sera sur la chaîne YouTube. Voilà, oui, elle veut parler. Tu peux le passer, Isaac, un peu le téléphone, enfin, ou CJ. Mettez le casque, parce que comme ça, on peut écouter un peu votre voix. Il faut donner un casque. Voilà, c'est pas le meilleur casque de la planète, mais ça marche quand même. Il est un peu cassé, mais ça fonctionne quand même. Il faut le mettre doucement, ça, on entend la voix. Voilà. Essayez la voix, voir si on entend bien. Très bien. Voilà. Alors, oui. Voilà. Excellent. Qu'est-ce que vous pensez à quoi en ce moment? C'est quoi vos pensées? À tout. Ouais, par exemple, quelque chose à nous dire, à nous, les jeunes de la radio, vous qui transmettez toujours votre expérience libre. Vous êtes libre dans votre esprit. J'ai une expérience libre, mais peut-être pas pour tous les jeunes. Bon. Peut-être que mon expérience n'est peut-être pas tout à fait appréciée à certains jeunes. Bon, c'est pas, on est tous adultes ici, hein. Ça va. Hein. On est tous adultes. Ouais. Ah oui, moi je suis une adulte. J'ai... Pose cette clé immédiatement sur la table. Okay. J'ai pas entendu. Non, c'est... Elle dit, elle parle avec des gens autour de nous. Hein, ah, quoi. D'accord. Mais vas-y, allez-y. Parce que j'ai la clé, moi. Non, mais elle parle de notre clé. Parle de notre clé. Pose cette clé complètement. Oui, elle fait un peu de. Immédiatement. Elle fait de. Comment dire. Elle transmet des messages surréalistes. D'accord. J'avais pas compris. Mais allez-y, vous pouvez nous parler. On n'est pas si jeunes que ça. Hein. Moi, je fais des messages très. Dès qu'on somme 18 ans. Oui, mais on attend déjà. Son message, allez-y, on entend, on est prêt. Elle est chaude là. Non. écoutons. Non, j'ai rien à dire. Ok, bon, on voit. Rien de spécial. Un message pour toi. Ou alors, j'ai tellement de choses à dire qu'il faut que je réfléchisse et. Et je passe à part des choses. Ouais. Mais là, dans les médias, je suis vraiment désolé. Ok. Mais j'écoute, hein. Oui, j'ai écouté tout le groupe. Excusez-moi hein, de vous avoir interrompu. Non, mais ce n'est pas une interruption. C'est moi qui vous a sollicité pour que vous... Parce que chaque fois que vous parlez des choses, c'est très intéressant ce que vous dites. Ça nous libère d'un tas de choses. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand vous parlez. Donc si vous avez une chose à nous dire, vous pouvez dire maintenant ou après ou quand vous voulez. Je voulais vous poser une question. C'est quoi un gosse? C'est quoi un gosse? Du rap hardcore. Quand on dit tu es un beau gosse. Ah, un beau gosse. Ça veut dire quoi? Ambre, tu veux répondre? Vas-y, un gosse, un enfant. Non, un beau gosse. Non, un gosse, tout simplement, c'est un enfant. À l'époque, on disait c'est mon gosse. C'est exact. Oui, c'est vrai, ça veut dire enfant. Et aujourd'hui, en 2025, je ne sais pas si c'est de l'humour ou. Du foutage de gueule, excusez-moi du terme. Merci madame, oui, je pense que ça. T'es un bon gosse. Je fais pitié, quoi. Je suis un beau gosse. Non, ça veut dire que... Donc, moi je vais vous chanter une chanson. Je sais pas si j'ai le droit, mais je me permets. Un beau gosse, ça veut dire que quelqu'un... Oui, ça veut dire ça. Excusez-moi, si je peux me permettre. Parce que je fais des colonies de vacances. Je vais chanter, là. Je fais des colonies de vacances. Et j'ai été élevé à la dure. C'est la guerre des gosses, tant pis pour les gosses, car ils en reçoivent sur les fesses parfois. C'est de l'insouciance, car ils recommencent. Ce sont les petits gars qui jouent aux soldats. Trois sont blessés du simple à la figure. La guerre est déclarée, c'est pas du sang, mais de la confiture, un restant de goûter. Oh là là, maman, je te demande pardon, je recommencerai plus. Un gosse est un enfant. Et aujourd'hui, t'es un beau gosse, toi. Ouais. Est-ce qu'il est beau ou est-ce qu'il est con? Non, il est beau. Ou il est dominé. Ouais. Il est libre ou il est dominé? C'est ça, hein? Je sais pas. Il y a peu de gens libres. Quand on touche un enfant et on le visite à un beau gosse... T'en parles au micro parce que sinon on n'entend rien. Quand on touche un enfant, ouais. Un petit, et on le visite à un beau gosse, ouais. Soit on l'aime ou soit on le dépouille. Ouais, c'est radical, des fois, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quand on parle à l'enfant, on dit... Peut-être que je suis mal exprimé. Micro. Peut-être que je m'exprime mal, ou peut-être que je suis en retard de 10 siècles. Oui, c'est ça. Non, mais je vous suis. Parce que vous savez qu'on dit à l'enfant, fais attention, tu ne vas pas tomber, l'enfant finit par tomber. Voilà, donc on prend soin de lui, soit on les met de la peur. On lui fait peur. On lui fait peur en protégeant trop l'enfant. Deux fois. Enfin, c'est comme les plantes. Soit si on les arrose pas assez, ils grandissent pas. Si on les arrose trop, ils pourrissent. Elles se noient. Elles se noient. C'est loin dans la, voyez, dans les affects des adultes. Faut comprendre le terme du mot gosse, quoi. Ouais. Comme mon pote. Moi, mon fils, il m'appelle, il me dit, je suis avec mon pote. Je lui dis, est-ce que c'est ton pote ou ton ami? Un pote sur qui tu peux compter ou un ami? Moi, je te vois pas, tu me dis, je suis avec mon pote. T'es où avec ton pote? Je suis avec mon pote. Bah, débrouille-toi avec ton pote. Mais quand t'auras froid, tu le trouveras, ton pote? Ben oui, si c'est son pote. Ah, c'est son ami ou son pote? Mais un pote, ça veut dire un ami. Bonne pote. Ah, c'est très philosophique. La compote. Bonne. On fait la compote avec les potes, voilà. Bon, et quelqu'un qui voulait chanter. Non, mais c'est très bien ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est très précis. Tu veux chanter, Naye? Oui. Vas-y. J'ai peur. Une instru, s'il vous plaît. Bien. C'est un peu space, là. À faire avec ça. Tu veux, tu as un rythme, CJ? Non, mais j'ai déjà fait ça. CJ, est-ce que tu as un rythme un peu de hip-hop, rap, truc? J'ai 1%. Ah, c'est toi, il va extinct. J'ai 4% de batterie. Bah, tu, avec ces 4%, ouais, on va transformer le monde. 1%. Ça, c'est ça. 1%, voilà, 1%. Il va s'éteindre, moi je vais tailler parce que. Ça y est, c'est éteint. C'est fini, non? Bon, on est quelqu'un. Attends, un rythme, on va faire un rythme comme ça. Tu veux quoi comme rythme? Attends. Est-ce que. Voilà. Si on avait soin de... Tu veux mettre quoi? Attends, on va mettre un truc. Mais j'ai pas de câble. C'est un iPhone. Soit. Bon, on est... Habillé comme un jeu de dames, balancé Narchetan, Zeyo sur la bleuta, va niquer ta jeta, double album dans les bacs, on coupe la poire en deux, rebeu, personne regarde ta meuf, elle est comme France 2, brolique dans ta bouche, bouche, ferme ta gueule, Antillé hal bouche, Bambara Sonic et Pearl, Pearl. Rebeu, ne crois pas qu'on marche seul. Ton rap c'est de la merde, c'est pour ça que tu fous l'sbeul. C'était la fouine, c'était laquelle? Bravo, super, ah, c'est bien, je viens aimer, c'est bien, bravo. Naye, c'est, ça c'est l'improvise comme ça? Isaac? Ouais, mais c'était laquelle? J'ai oublié le nom. Bon, il nous reste 3 minutes sur le métanoïaque. Je veux pas dire. Isaac? Isaac, tu voulais... on n'a pas entendu ta voix, tu voulais dire quelque chose aujourd'hui? Moi, j'ai rien de spécial à dire. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bonne santé à vous. C'était la fouine. C'est pas la fouine, c'est son droit pareil. Si, c'était la fouine. C'était la fouine, mais elle veut pas me dire le titre, elle veut pas me rappeler. Moi, j'ai pas dit que c'était la fouine, j'ai rien à dire. Mais c'est pas la fouine, elle fait ses propres chansons. N'importe quoi, voilà que c'est pas vrai. C'est la fouine. Bon, c'est la fouine et Shine. Non, non, c'était la fouine tout seul. C'est la fouine, ça? Ah, ok. C'est pas c'est toi. La fouine. Elle a volé la fouine. C'est un ancien son. Elle a cru que ça allait passer. Elle a interprété, on va dire. Elle a dit. Il reste combien de temps là? Elle est en folie là. Elle veut se rapper là. Bah, c'est pas grave si c'est la fouine ou pas. On s'en fout. Elle veut que rapper là. C'est pas son texte en fait. Bon, c'est pas fou. Grave. Moi, j'ai rien dit moi. J'ai rien à voir dans. Elle a rien dit si c'était son texte ou pas. Donc on s'en fout. Ouais, mais c'est ce que t'as cru. Non, j'ai rien cru. Moi aussi, je m'en fous. Hein. Je dis ça juste pour me marrer. Bon, c'est très bien alors. On est tous là. Moi, j'ai rien à voir dans vos histoires, moi. Allez-y, vas-y, Naye, on finit avec ta voix. En on a 2 minutes. Je ne dis pas trop mon nom, moi, je vous le dis, moi. Parce qu'il est 18h et je compte bien mon taille. Il n'est pas encore 18h, mais on peut aller. Alors. Elle va revenir encore. Elle va revenir. Dune, tu voulais dire quoi avant que. Toi, tu n'as pas parlé encore. 58. Bon. Tu peux rapper. Tu sais, je t'ai dit quoi? Dune. Je t'ai dit quoi? C'est quand tu veux. 1, 2, 3, 4, c'est quand tu veux. Tranquille, moi j'attends juste 18h. Rap, rap, grâce. Quoi, tu rap. T'attends 18h et tu rap. C'est ça. Allez, allez, rap, tu te fous de nous, toi. Tu te moques de nous. C'est ça. Je suis gay. Ouais. Ouais. On dirait que tu te fous de nous. Tu veux rapper ou pas? Elle veut pas. Mais des allers-retours, ils nous connaissent pas. Merci, c'est les Métanoïaques. On se voit mercredi prochain. Oui, c'est fini. Au revoir. Bravo, les amis. Salut, les amis Pinotes.